qui a raison, j'avoue tout, oui c'est toi qui a raison. Je laisse passer les saisons, elle s'enfuit, je laisse passer les saisons. On s'était promis la lune, même si on n'avait pas de thune. En grandissant on sera mieux, on sera toujours plus heureux à deux. Un amour passionnel, sincère, inconditionnel. Celui qui dure pour toujours, même après le temps additionnel. Sentiments stagnent, elle s'attache donc le remords me gagne. J'ai envie de me foutre à la porte, incapable de lui rendre tout l'amour qu'elle me porte. Elle mérite mieux que moi, elle mérite quelqu'un qui l'aime comme il se doit, qui la traitera comme une reine et agit en roi. Je voulais, mais je l'ai pas encore trouvé. Cet amour passionnel, sincère, inconditionnel. Celui qui dure pour toujours, même après le temps additionnel. J'étais la tempête et toi t'étais le radeau. Tu luttais tant bien que mal. Je niquais tout, je faisais que dalle. J'ai été lâche, j'ai pas voulu le faire. J'ai attendu que tu le fasses, non j'en suis pas fier. J'espère que tu trouveras la force de me pardonner. Mais sans compter, c'est pas donné.